que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 585. Et bien j'ai voulu me faire plaisir, puisque c'est la première de l'année. Nous allons avoir un album de la semaine, Back to the Egg, entrecoupé de morceaux de McCartney entre 1970 et 1980. Je vous assure que j'ai essayé de faire McCartney 70-2000 par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. J'ai pas pu, ça déborde. Déjà là, j'ai été obligé de couper, de me dire non, c'est trop long. Donc, on va faire ce qu'on va pouvoir. En principe, chaque période sera entrecoupée par un extrait de l'album de la semaine. Et ça va être très très bien comme ça. Vous nous retrouvez sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Et je vous souhaite une très très très très bonne soirée. C'est parti. ça le plus dur, c'est se dire, allez, il faut arrêter le disque parce que faut passer à autre chose. Faut pas passer que Back to the Egg, qui est un album absolument fantastique parmi mes 15 albums préférés des années 70 de Paul McCartney. oui, mode focus on, mais j'adore cet album en tout cas. Et j'en adore d'autres aussi. J'adore Paul McCartney, des fois que vous ne le sauriez pas. On va commencer donc en 1970. McCartney en a marre des Beatles parce que tout le monde a l'air d'avoir envie d'aller de son côté. Lennon veut développer des trucs avec Yoko Ono. Harrison, alors là c'est un petit peu de la faute de McCartney et de Lennon, en a marre d'avoir que une ou deux chansons et il a pris des tas de chansons. Il en a composé des très très bonnes qui ont été refusées. Donc il a envie de s'en aller. Et puis il y a plein d'autres choses parce que entre 20 ans et 30 ans on change et ils étaient célibataires sauf Lennon quand ils ont commencé et en 1970 ils étaient tous mariés. On est différents les enfants entre 20 ans et 30 ans et puis ça continue toutes les dizaines comme ça. Bref, les Beatles se séparent, McCartney sort un album qui s'appelle McCartney et pour tester, parce qu'il le fera chez lui tout seul, il a mis, je sais pas, la batterie, le micro, le je ne sais pas quoi, dans la console, et puis on y va. Il fait une chanson de rien du tout, juste pour voir si ça marche. Ça s'appelle The Lovely Linda. Ça n'est pas plus long que ça, et c'est très très bien. Je vous propose maintenant de rentrer dans le dur avec Every Night sur RIG, toujours du même album. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be with you, and be with you. Alors là, ça va être difficile de vous dire. On a écouté patati patata patati patata parce que j'ai oublié de sortir la liste des chansons.

cette chanson. Évidemment, cette chanson aurait eu sa place sur un album des Beatles en 1970, par exemple, si... Enfin, il y en a eu un, parce qu'il y a eu l'album Let It Be avec du retard, mais... Allez, on va dire l'album 1971. Pourquoi pas? On peut toujours rêver, mais quelle superbe chanson. Et ma plus grande... comment dire ça? Là où je suis, ma plus grande tristesse, voilà, ma plus grande tristesse, c'est que malheureusement, Paul essaie toujours de la reprendre en concert et sa voix ne passe plus. Donc en 89, quand je l'ai entendu pour la première fois, c'était extraordinaire. On va dire jusque dans les années 2000, jusqu'à 2010, c'était très très très très bien. Depuis 2010, ça passe mal, ça passe mal. Donc moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il ou change le tempo, change l'intonation, fasse quelque chose. On écoutera tout à l'heure. Quelque chose, vous allez voir, je vous ai réservé la surprise. Ceux qui connaissent bien la saga ont peut-être déjà deviné. Mais quelque chose qui pourrait que pourrait faire McCartney. Mais il n'a pas envie. Bon, c'est comme ça. Et la chanson suivante, c'est l'album de la semaine, l'album Back to the Egg. Et on rend un hommage à Danny Lane. Voici Again and Again and Again sur RIG. Maintenant, et le fantastique album Ram, voici la plus belle chanson en harmonie vocale, Dear Boy, sur RG. Guess you never knew, dear boy, what you had found. Guess you never knew, dear boy, that she was just a beauty singer around. I guess you never knew what you had found, dear boy. reste sur le même album, The Backseat of My Car. Il s'est produit des choses sur la banquette arrière de ma voiture. Enfin, moi, ça, c'est dans mes rêves, hein, mais pour Paul McCartney, sans doute. Mexico City, but listen to her daddy's song. Making love is wrong. Ooh, we're just busy riding, sitting in the back seat of my car. La saga des Fab Four numéro 585, une spéciale McCartney avec en album de la semaine l'album Back to the Egg et puis que du McCartney entre 1970 et 1980. J'ai voulu faire plus, je n'ai pas pu, ça déborde des deux heures mais pas que de deux minutes, ça déborde beaucoup plus. Donc, eh bien, on y va pour 1970-1980, Paul McCartney, on reste dans le même album. I look high. C'est là que j'en viens, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, cette chanson-là, il ne peut plus la chanter maintenant. Sa voix n'est plus, ne se prête plus, elle est plus aussi cristalline qu'elle l'était à cette époque-là. Mais en 2012, il s'est amusé, pour une pub je crois, à refaire un petit bout de Heart of the Country qu'il pourrait reprendre en concert. Écoutez ce que ça donne. Et il rigole en plus. Bien, donc Paul McCartney est la star de la saga des Fab Four numéro 585. Et on revient à l'album de la semaine. Et là, je vais vous demander de monter le son. Parce que vous savez que cette chanson-là, il faut l'écouter très, très, très fort. Old Siam Sir sur RIG, extrait de l'album Back to the Egg, qui est l'album star de cette saga des Fab Four. Yeah. Imaginez que Paul McCartney ait encore la force de faire ce titre-là, celui-là qui arrive. So glad to see you here. Ce serait bien. Je suis content de vous voir. avec la reprise en fin de disque quasiment de We're Open Tonight, qui était au début du disque, qu'on a entendu d'ailleurs au début de cette émission, la saga des Fab Four numéro 585. Avec un Thierry Gallet qui vous souhaite une très très très très bonne année. N'oubliez pas que c'est l'année des 40 ans de l'émission. Ça veut dire qu'au mois d'avril, j'avais choisi au hasard le mois d'avril parce que franchement, je me souviens d'avoir créé cette émission en 1984. Mais quel jour, quel mois, je ne sais plus. Et comme mon anniversaire tombe au mois d'avril, j'ai décidé arbitrairement que c'était au mois d'avril, voilà. Mais on verra ça demain, ou enfin plus tard. Nous sommes en 1971 et Paul McCartney nous chante Tomorrow sur RIG. Falling into the hands of love. Ça n'est pas le grand medley parce que je n'avais pas le temps de le placer. C'est juste une chanson du medley que vous retrouvez sur l'album Red Rose Speedway Special Edition de 1973. La première mouture, quoi, si vous voulez. Sinon, c'est sorti 50 ans plus tard. Et celle-là, en hommage à Linda, My Love sur RG. Stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love, does it go? When the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. la fantastique versatilité de la voix de Paul McCartney, capable de chanter des chansons douces, des chansons très rock, de hurler, de murmurer, tout ce que vous voulez. La preuve, voici extrait de l'album de la semaine, l'album Back to the Egg, voici A Road Through Me sur RG. Quittons l'album de la semaine pour changer de disque. On n'est plus sur Red Bros Speedway, nous sommes sur Band on the Run. J'avais des tonnes de chansons à vous proposer. J'en ai choisi 1, 2, 3. Voici la première, Mrs. Vanderbilt. Rappelez-vous, en concert, ça avait donné quelque chose de très surprenant. Ça avait très très bien marché. When you Dernière chanson de Ben on the Run, je voulais vous proposer justement Ben on the Run. Mais comme le mois prochain sort Ben on the Run Underdubbed Mixed, c'est-à-dire donc un peu le coup du Naked, c'est-à-dire une version beaucoup plus sommaire, je vous propose ce qui est déjà sorti. Voici Ben on the Run sur RIG, le 33. Le CD sort le mois prochain, le 2 février, il me semble. But the room When I look up, up, up in the evening, oh Lord, I know how many million miles they are. How many million miles. Cette fois-ci, je désannonce l'album de la semaine, c'est-à-dire que je ne l'ai pas dit avant le titre. C'était bien l'album de la semaine, c'était le truc fantastique, After the Ball, Many Million Miles. Quelle voix, quelle voix, quelle beauté, quelle superbe chanson. C'est un album, il nous faut le coffret, même s'il est cher, en espérant que ce soit pas trop cher. Je l'aurai pour vous d'ailleurs, pour la saga des Fab Four. Comment allez-vous? Ça va? Parce que je parle pas beaucoup, parce que bien que je ne parle pas beaucoup, il va falloir que je sucre quelques chansons quand Eric arrivera, parce que sinon on va déborder, mais de beaucoup, bien. Donc, Eric, d'ailleurs, ce sera tout à l'heure avec Johnny de A à Z. Il va vous souhaiter une bonne année, et je pense qu'il est en super, super forme. Voici un autre album, Venus and Mars, en 1975, et ce titre que j'adore, et qui en public sur l'album Wings Over America, est une tuerie. Voici Magneto and Titanium Man sur RIG. Sure.

snow falls in the winter. Spring brings the rain. C'est absolument superbe. La même année, pendant les sessions de Back to the Egg, Paul McCartney s'est amusé. Et cette chanson, je l'aime bien. C'est Cage sur RG. Take another take. I've been sent to tell you that the man you were in last night is feeling sorry. De chansons Paul McCartney a comme ça dans ses tiroirs, des chansons que nous ne sommes pas censés connaître. Mais bon, il y a quelques chansons qu'on connaît quand même. D'ailleurs, en 1976, sur l'album Wings at the Speed of Sound, un journaliste lui a dit « T'en as pas marre de faire ces stupides chansons d'amour, de faire des stupides chansons d'amour ?» Non seulement il n'en a pas eu marre, mais il en a fait un titre qui a très très bien marché dans les charts. Et que tout le monde a envie de reprendre. Voici, c'est les Love Songs sur RG. Je compte sur vous. Around me and I see I'd like to know, 'cause here I go. Extrait de Wings at the Speed of Sound. Voici Warm and Beautiful. Dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Dernier extrait de Back to the Egg, Baby's Request sur RG. Nous sommes dans un piano bar, on va prendre une boisson sans alcool. Oui, je préfère. Et puis c'est tranquille, Baby's Request sur Back to the Egg. Et c'est sur RG, 90.7. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest. Favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. Knows how it goes, but you're the one that really knows. So come ahead, just one more time, and then we're gonna bed. How it goes, but

Je vous l'ai dit pendant l'émission, McCartney sait tout chanter, peut tout faire. Voici McCartney qui se prend pour Elvis. Name and address sur RG. Avant-dernier extrait, c'est One of These Days. Time to please your Don't say anything. Don't say anything. J'ai pas voulu faire ça à mon ami Eric, quand même. Eric, je te souhaite une très très bonne année, plein de d'auditeurs fidèles et de bonnes émissions, etc. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et à vous aussi, les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous aux filles, moyennement aux garçons, ça suffira. À très bientôt, c'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. Ciao.